va bien. T'inquiète pas, tout ce qu'il faut sur la table, ça va bien. Regarde-moi Virgil Abloh, fais la sape, ça va bien. Viens voir ça frais depuis le bac à sable, ça va bien. J'suis plus là, mon passeport c'est Google Maps, on se met bien. Viens voir ça, j'ai l'hippodrome sous le capot, à la bien. Tu sais ça Jeffrey, remets-nous des glaçons. Ça va bien, t'affole pas, n'en fais pas tout un drame, ça va bien. T'inquiète pas, on est 10 000 dans mon crâne, ça va bien. Regarde-moi, j'saute partout comme Jackie Chan.